Depuis de nombreuses années, on constate que 65% des accidents corporels se produisent en agglomération. Mais on y dénombre qu'un tué sur trois. Hors agglomération, il y a donc moins d'accidents corporels, mais ceux-ci sont plus graves puisqu'on dénombre deux tués sur trois. Réponse A et D.